الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc on continue inshallah tabarak wa ta'ala notre lecture ainsi que les commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh al-sunnah wal kitab al-aziz. Son auteur est Abdul Azim ibn Badawi al-Khilafi. Donc aujourd'hui, inshallah tabaraka wa ta'ala, on est toujours dans le livre de la purification et aujourd'hui on va entamer le chapitre de la purification pour la prière. At-taharatu lis-salah. يقول المؤلف حفظه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور. الحديث الصحيح رواه مسلم والترمذي. والطهارة نوعان، طهارة بالماء وطهارة بالصعيد. أولا الطهارة بالماء الوضوء والغسل. Donc nous sommes dans le chapitre de la purification pour la prière. L'auteur cite le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhuma qui dit « J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire « Allah, ou plutôt, aucune prière n'est acceptée sans purification. » Aucune prière n'est acceptée sans purification. Et la purification est de deux sortes. La purification avec l'eau, At-taharatu bil-ma wa taharatu bis-sa'id. Et la purification par la terre. Et les savants ont expliqué as-sa'id en disant que as-sa'id hiya al-ard wa ma sa'ada minha. C'est-à-dire as-sa'id, c'est la terre et tout ce qu'il y a à sa surface, qui fait partie de la terre. Que tout ce qui est comme terre, rocher, pierre, tout ce qui appartient à la terre, mais qui est à sa surface, est aussi appelé As-Sa'id. Et entre autres, on a le droit d'utiliser ces choses, la terre et ce qu'il y a à sa surface, pour faire le tayammum. Awwalan at-taharatu bil-ma'. Et donc, la première chose que le cheikh va expliquer, c'est la purification par l'eau. Après avoir expliqué la purification par l'eau, il expliquera la purification par le sa'id, c'est-à-dire la terre et ce qu'il y a à sa surface. Awwalan at-taharatu bil-ma al-wudu' wal-ghusl. Et concernant la purification avec l'eau pour la prière, il y a deux sortes de purification. Il y a al-wudu' et al-ghusl. Il y a al-wudu' et al-ghusl. Al-ghusl qui est le grand lavage. Et le shirk commence à expliquer al-wudu'. Donc on a dit que la purification se divise en deux, avec de l'eau, avec as-sa'id. Le shirk commence à expliquer la purification par l'eau, et la purification par l'eau se divise en deux. Il y a al-wudu et al-ghusl. Et le shirk commence par expliquer al-wudu. Qal al-wudu. Qui connaît la différence entre al-wudu et al-wadu? Vous entendez les savants parler, dire al-wudu, et d'autres fois vous les entendez dire al-wadu. Le premier avec un dhamma sur le waw et le second avec une fatha. Quelle est la différence entre al-wudu et al-wadu? Parce que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est cité parfois dans le hadith wadu. Qui connaît la différence? Non. Wudu, c'est l'ablution elle-même. Al-wadu, c'est l'eau qu'on utilise pour. Non, ahsant. Donc, al-wudu avec un dhamma sur le waw, c'est l'acte, c'est le fait de faire les ablutions, l'acte de faire les ablutions. Quant à al-wadu, c'est l'eau avec laquelle on fait les ablutions. Donc al-wadu, c'est l'acte, et al-wadu, c'est l'eau avec laquelle, l'eau qu'on utilise pour faire ses ablutions. Sifatuh, donc la description des ablutions. عن حمران مولى عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ. Donc عثمان رضي الله عنه a demandé qu'on lui apporte دعا بوضوء. دعا بوضوء. Il n'a pas dit, le rawi al-hadith, عثمان رضي الله عنه n'a pas demandé الوضوء. Il a demandé الوضوء. دعا بوضوء فتوضأ. Donc il a demandé qu'on lui apporte de l'eau afin qu'il fasse ses ablutions, puis a fait ses ablutions. Et Humran décrit la façon avec laquelle Uthman ibn Affan radiyallahu anhu a fait ses ablutions. قال فغسل كفيه ثلاث مرات. Il a lavé ses mains trois fois. ثم مضمض واستنثر. Puis il a introduit de l'eau dans sa bouche et a ressorti واستنثر. الاستنثار, c'est le fait de ressortir l'eau des narines. Le fait de ressortir l'eau des narines. Et Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, dit dans son livre Fath al-Bari, en donnant la définition de l'istinthar, il dit قال الاستنثار يقع على الاستنشاق بغير عكس. الاستنثار يقع على الاستنشاق بلا عكس. فَقَدْ يَسْتَنْشِقْ وَلَا يَسْتَنْفِرْ. Donc, ici, Al-Hafid ibn Hajar explique la différence entre Al-Istinthar et Al-Istinshaq. Al-Istinshaq, c'est-à-dire, c'est le fait d'introduire l'eau dans les narines, dans le nez. Et Al-Istinthar, c'est le fait de ressortir cette eau. Or, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, dans ce hadith, celui qui décrit ses ablutions, dit وَاسْتَنْفَرْ. Il dit, il a ressorti l'eau. Mais l'eau, pour qu'elle ressorte, il faut qu'elle rentre. Donc cela signifie que Uthman radiallahu anhu a fait l'istinshaq avant. Parce qu'il a fait l'istinthar. Pour ressortir l'eau, il l'a obligatoirement fait entrer. Et Al-Hafid ibn Hajar dit que al-istinthar plutôt, implique al-istinshaq. Le fait de ressortir l'eau, cela implique que l'eau est entrée avant. Mais le contraire n'est pas vrai. Une personne qui rentre l'eau dans son nez n'est pas obligatoirement obligée de le ressortir. D'accord ? Al-istinshaq, la yalzam al-istinthar. Une personne qui a fait l'istinshaq, elle n'a pas forcément fait al-istinthar. Mais une personne qui a fait l'istinthar a obligatoirement fait al-istinshaq. Al-Hafid ibn Hajar continue et dit « Wal-istinthar min tamam fa'idati al-istinshaq. » Et al-istinthar, le fait de ressortir l'eau, c'est la cause, ou plutôt c'est le bénéfice, c'est le pourquoi de l'istinshaq. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que dans nos ablutions, on introduit de l'eau dans nos narines? C'est pour laver les narines, pour laver ce qu'il y a à l'intérieur du nez. Et l'istinthar permet de faire ressortir les saletés qui sont à l'intérieur. D'accord ? Et Al-Hafid ibn Hajar dit « وَالْإِسْتِنْثَارُ مِنْ تَمَامِ فَائِدَةِ الْإِسْتِنْشَاقِ. » L'istinthar, c'est la terminaison de l'istinshaq. D'accord ? Parce que à quoi sert de rentrer de l'eau dans la narine pour nettoyer si on ne ressort pas la saleté ? لِأَنَّ حَقِيقَةَ الْإِسْتِنْشَاقِ جَذْبُ الْمَاءِ بِرِيحِ الْأَنْفِ إِلَى أَقْصَارِ. Al-Hafid ibn Hajar dit, al-istinshaq, c'est d'inspirer l'eau avec son nez au plus profond du nez. Wal-istinsaru ikhraju dhalika al-ma. Et al-istinsar, c'est le fait de ressortir toute cette eau. Wal-mansur wal-maqsud bil-istinshaq tandifu dakhil al-anf. Et le but de l'istinshaq, d'introduire l'eau et de laver l'intérieur du nez. Wal-istinsaru yakhruju dhalika al-wasakh ma'a al-ma. Et l'istinthar fait ressortir toutes les saletés présentes dans le nez avec cette eau, et c'est la terminaison de l'istinshaq. Donc l'istinthar, c'est la terminaison ou c'est le complément de l'istinshaq. Vous avez saisi ? Donc, Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Il a d'abord lavé ses mains trois fois. ثُمَّ مَضْمَضْ. C'est-à-dire, il a lavé sa bouche. وَاسْتَنْثَرْ. Il a ressorti l'eau, ce qui implique qu'il l'est entré auparavant. ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Puis, il a lavé son visage trois fois. ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Puis, il a lavé son bras droit jusqu'au coude trois fois. Et il a dans ce hadith, il signifie ma'a. Rawi al hadith, celui qui a décrit les ablutions de Uthman ibn Affan, dit ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق. إلى المرفق, est-ce que cela, donc il a lavé ses mains, sa main droite, jusqu'au coude, est-ce que cela veut dire que le coude est compris dedans, ou est-ce que le coude c'est la limite? Qui connaît la réponse? Est-ce que le coude doit être compris dans le lavage du bras ou non? Ou est-ce que c'est la limite à ne pas dépasser? Parce qu'il a dit, il a jusqu'au coude. Il a lavé ses mains jusqu'au coude. Jusqu'au coude, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est avec le coude ou c'est à la limite du coude et ne pas le dépasser? Jusqu'au coude dans le hadith. Il a... Ouais, c'est quoi le délai que c'est compris? Non, ça c'est l'istihbab, ça fait ça c'est une parole d'Abu Hurayra radhiyallahu anhu. Mais qui peut me citer une preuve comme quoi il a jusque en arabe il peut signifier ma'a? Il y a un verset dans le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit en parlant de l'argent des orphelins, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum. Et ne prenez pas ou ne mangez pas leurs biens, ila amwalikum, jusqu'à vos biens. Mais jusqu'à, ça ne veut rien dire dans ce verset. Donc le sens de ila dans ce verset, wala ta'kulu amwalahum, ne mangez pas leur argent, ila amwalikum, jusqu'à, si on traduit littéralement, c'est-à-dire jusqu'à votre argent. Ça n'a aucune signification. Ila dans ce verset signifie ma'a. C'est-à-dire, ne mangez pas leur argent avec le vôtre. D'accord ? N'utilisez pas leur argent avec le vôtre. C'est la preuve dans le Coran que « ila », il signifie « ma'a », avec. Donc dans ce hadith, lorsque le compagnon de Uthman, radiallahu anhu, décrit ses ablutions, il dit « il a lavé sa main droite ou son bras droit jusqu'au coude, ila al-mirfaq », c'est-à-dire « ma'a al-mirfaq ». Puis il a lavé son bras gauche de la même façon. Puis il a lavé son bras gauche de la même façon, c'est-à-dire jusqu'au coude et trois fois. Puis il a essuyé sa tête, ses cheveux. Puis il a lavé son pied droit jusqu'aux chevilles. Et là c'est pareil. Il a le mirfaq, il a le ka'bayn. Le sens de ila c'est ma'a. Donc il a lavé son pied droit jusqu'aux chevilles trois fois, puis il a fait de même pour le pied gauche, c'est-à-dire jusqu'aux chevilles et trois fois, puis il a dit thumma qala ra'aytu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a nahwa wudu'i. Donc là on voit bien qu'il y a un dhamma sur le wawu. Il dit donc ensuite Uthman radiallahu anhu, Uthman ibn Affan, lorsqu'il a fini ses ablutions, il a dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions comme je viens de les faire. Puis il a dit, Uthman a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit thumma qala qala rasulullah. Et là ceux qui ont le livre, il faut rajouter un qal, car dans le livre il écrit ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم قال c'est-à-dire Uthman a dit le prophète صلى الله عليه وسلم a dit. Donc là il faudrait rajouter un قال devant رسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. Donc Uthman ibn Affan رضي الله عنه, après avoir fait ses ablutions, a dit: j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire les ablutions de la même façon que j'ai fait les miennes. Puis il a dit, Uthman رضي الله عنه a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait les ablutions comme je viens de les faire, puis se lève pour prier deux raka'at sans qu'il ne parle à lui-même. La yuhadithu fihi ma nafsah. Qui connaît le sens de cette partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait les ablutions comme je viens de les faire, puis se lève pour prier deux raka'at, la yuhadithu fihi ma nafsah. Pendant ces deux raka'at, qu'il ne parle pas à sa personne. Qu'est-ce que ça veut dire? La yuhadithu fihi ma nafsah. Non, ils ne sont pas distraits. Les savants disent, c'est-à-dire qu'il ne parle pas à lui-même sur les choses de cette vie d'ici-bas. La yuhadithu fihi ma nafsah, comme a dit, comme l'a expliqué Cheikh Al-Abbad, Hafidahullah, dans une de ses, dans son explication de Sahih Abi Daoud, il dit: حديث النفس هو أن يحدث نفسه بأمور الدنيا والمقصود بذلك هو الذي يكون شغله ويكون تفكيره في أمور الدنيا. Donc Cheikh Al-Abbad dit: حديث النفس, c'est-à-dire de parler à sa personne pendant la prière, c'est-à-dire de parler intérieurement des choses de cette vie d'ici-bas, c'est-à-dire que son esprit est préoccupé par les choses de cette vie d'ici-bas. Le sens de la yuhadithu fihi ma nafsah, c'est-à-dire que pendant ces deux raka'at, que son esprit ne soit pas préoccupé par les choses de cette vie d'ici-bas. Donc ça, c'est une condition. La yuhadithu fihi ma nafsah, ghafarallahu lahum ma taqaddama min dhanbi. Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés précédents, tous ses péchés antécédents. Et les savants ont expliqué les péchés, c'est-à-dire les petits. Dans ce hadith, lorsque le prophète dit tous ses péchés antérieurs sont pardonnés, c'est-à-dire les petits. Pourquoi? Car les grands, pour qu'ils soient les grands péchés, pour qu'ils soient pardonnés, il leur faut le repentir, at-tawba. Qala Ibn Shihab a dit, et nous savons, on dit cette façon de faire les ablutions est la plus complète. Hadha al-wudu asbaghu ma yatawaddau bihi ahadun lis-salah. Cette façon de faire les ablutions qu'a fait Uthman radiallahu anhu est la façon la plus complète que peut faire quelqu'un avant de faire sa prière, pour accomplir sa prière. Shurutu sihhati. Ensuite, le shir passe aux conditions pour que les ablutions soient acceptées. Awwalan an-niyya. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, innama al-a'malu bin-niyyat. La première condition est l'intention. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: les actes ne valent que par l'intention. Innama al-a'malu bin-niyyat. Al-hadith sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadith authentique rapporté par al-Bukhari wa Muslim. Wa la yushra'u at-talaffuz biha li'adami thubutihi 'ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'est pas légiféré de prononcer l'intention, car cela n'a pas été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'intention, elle se situe dans le cœur. L'intention est dans le cœur, elle ne se prononce pas avec la langue. Et les savants sont unanimes sur le fait de prononcer l'intention avec la langue, en disant que c'est une innovation. De prononcer l'intention avec sa langue, c'est-à-dire de dire avant de faire les ablutions, je commence les ablutions. De le dire à voix haute. Cela est une innovation. Car cela n'a pas été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Dans aucun acte d'adoration. Dans aucun acte d'adoration, il n'est légiféré de prononcer l'intention à voix haute. Et la définition même de an-niyyah, la définition même de niyyah, dans la langue arabe, niyyah, ça veut dire al-qasd. Niyyah, en langue arabe, ça signifie al-qasd. Et al-qasd, c'est le fait de vouloir quelque chose. Al-qasd, c'est d'avoir l'intention de faire quelque chose, de vouloir faire quelque chose. Et quand tu veux faire quelque chose, tu n'es pas obligé de le dire. Tu veux te lever, je ne vais pas dire, je vais me lever, je me lève. Non, tu te lèves. Et c'est la même chose pour al-wudu, pour la prière, pour les autres actes d'adoration. Et certains vont dire, oui, mais pendant le hajj, il y a la talbiya, le fait de dire « labbaik Allahumma bi umra ». On l'a dit à voix haute. La réponse est claire, elle est simple. Le fait de dire « labbaik Allahumma bi umra », ce n'est pas une intention, c'est une talbiya. Ce n'est pas une intention, c'est une talbiya. Le fait de dire « labbaik Allahumma bi umra », c'est une talbiya et non une intention. Et le fait de prononcer l'intention avec la langue, c'est une innovation. Et les quatre grands savants de l'islam, les quatre imams, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i et Abu Hanifa, rahimallah al-jami', sont tous unanimes sur la non-autorisation de prononcer l'intention à voix haute. Donc ça, c'est la première condition pour que les ablutions soient acceptées, c'est l'intention. Thaniyan at-tasmiyah. لقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الحديث حسن رواه أبو داود وابن ماجه. La deuxième condition est التسمية, le fait de dire بسم الله. La preuve est le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit: il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas ses ablutions, pas de prière pour celui qui n'a pas ses ablutions, et pas d'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah avant. Donc, point de prière pour celui qui n'a pas d'ablution, et point d'ablution pour celui qui n'a pas cité le nom d'Allah avant. Donc, le hadith, il est clair. Le hadith, il est clair. Thalithan, al-muwala, les hadiths Khalid ibn Mi'dan. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء, فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. الحديث صحيح رواه أبو داود. الموالة, qui connaît الموالة? Qui sait, qui connaît la définition, la signification de الموالة? C'est شرط من شروط الصلاة, من شروط الوضوء. C'est une condition parmi les conditions des ablutions. Donc normalement, si je vous demande qu'est-ce que le mu'alah, vous devez me répondre normalement. Parce que c'est une condition. C'est que toute l'eau adopte toutes les parties du mu'alah. Déjà, je vais déjà... le mu'alah, tu me dis, c'est le fait que... Non, tu n'as rien délaissé au niveau de... Par exemple, je fais l'eau dans ma jambe, et je ne laisse pas cette partie-là, par exemple... Non, mais ça rentre déjà dans le fait que tu dois laver tes pieds. Le fait que tu laves tes pieds, ça veut dire que tes pieds doivent être recouverts. Tu dois recouvrir tes pieds d'eau. Donc, cela implique que l'eau doit être recouverte dans sa totalité. D'accord? Mais al-mu'alah, c'est pas ça al-mu'alah. Non. Ahsan, c'est le suivi. C'est le fait de faire al-wudu en une seule fois. De laver les membres les uns après les autres. La preuve est le hadith de Khalid ibn Mi'dan qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier, et sur le dessus du pied de cet homme il y avait une partie de la taille d'un dirham, d'une pièce d'un dirham, qui n'était pas atteint par l'eau. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de recommencer l'urdu et de recommencer sa prière. Le hadith est authentique, rapporté par Abu Daoud. Mais la question, dans ce hadith, comment les savants ont déduit al-mu'alah? Comment les savants, à partir de ce hadith, en ont déduit que les membres doivent être lavés les uns après les autres? Parce que dans ce hadith-là, comme a dit Bachir, on comprend que, dans ce hadith, on comprend que le membre doit être lavé dans sa totalité. D'accord? Parce que le Prophète Sam a vu sur le pied de cet homme une partie qui n'était pas atteinte par l'eau. Il lui a ordonné de refaire les ablutions et de refaire sa prière. Dans ce hadith, où est la preuve de al-mu'ala? Non. Ce n'est pas obligatoire. Donc c'est bien ça. La preuve dans ce hadith de Mu'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu cette partie du pied de cet homme qui n'était pas recouverte d'eau, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a ordonné de faire? Il lui a ordonné de recommencer les ablutions. Il ne lui a pas ordonné d'aller remettre de l'eau dans cette partie et de faire sa prière. Non, il lui a dit recommence. Recommence tes ablutions. D'accord? Et les savants ont déduit de ce hadith que al-mu'alah, que tu dois laver les membres de l'eau de tes membres pendant les ablutions, de telle sorte que le membre précédent, que lorsque tu laves le membre suivant, le membre précédent n'est pas séché, n'a pas séché. Vous avez compris? Al-mu'alah, c'est ça, c'est le fait de laver le membre suivant avant que le membre précédent n'ait séché. Avant que le membre précédent n'ait séché. Et d'autres savants ont dit, al-mu'alah, le temps d'attente entre les deux membres revient au urf, revient à ce que les gens connaissent. À ce qui est connu des gens dans l'attente. Si c'est une attente trop longue, et qu'elle est connue chez les gens pour être longue, il doit recommencer ses ablutions. Si c'est une attente courte, il peut continuer ses ablutions. Vous avez compris? Même si ces parties n'ont séché. Non, c'est quand ces parties n'ont pas séché. Ouais. Mais quand les parties ont séché, il doit recommencer ses ablutions. Et si son membre a séché et qu'il a fait sa prière, il doit recommencer ses ablutions et recommencer sa prière. Fara'idhu, les obligations des ablutions. Awalan, ghaslul wajh wa minhu al-madmadh wa al-istinshaq. Premièrement, de laver le visage. Et parmi le lavage du visage, il y a laver la bouche et al-istinshaq. Il y a laver la bouche et introduire de l'eau dans son nez. Ces deux choses font partie du lavage du visage. Thaniyan, ghaslul yadayn ila al-mirfaqayn. De laver les mains jusqu'au coude. Donc ça, c'est une obligation. C'est un pilier des ablutions. Celui qui ne lave pas ses mains, ses bras jusqu'au coude, ses ablutions ne sont pas acceptées. Ghaslu rijlayn ila al-ka'bayn. Rabi'an, afwan, thalithan, masḥu ar-ra's kullih wal-udhunayn min ar-ra's. Troisièmement, d'essuyer la totalité de ses cheveux. Et les oreilles font partie de la tête. De laver la totalité de la tête. Masḥu ar-ra's, afwan, d'essuyer. Masḥu ar-ra's kullih wal-udhunayn min ar-ra's. D'essuyer la totalité de la tête. Et les oreilles font partie de la tête. Il y a un hadith du Prophète saint qu'on verra après, qui dit les oreilles font partie de la tête. Donc les oreilles doivent être obligatoirement essuyées. Et la différence entre le lavage et l'essuyage, le lavage c'est de prendre l'eau, de la verser sur le membre. D'accord? Et l'essuyage c'est de mettre de l'eau dans sa main, d'humidifier sa main et de la passer sur le membre. D'accord? Donc concernant la tête, est-ce que la tête doit être lavée ou essuyée? Une personne qui prend une poignée d'eau, il la verse sur sa tête. Est-ce qu'il a fait la sunna ou pas? Non. La sunna c'est d'humidifier sa main et de passer sur sa tête. Pas de prendre de l'eau et de la verser sur sa tête. Pourquoi? Parce que c'est un lavage. Et ce qui était raconté dans la sunna et le verset aussi est clair. وَمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit et essuyez vos têtes. Il n'a pas dit وَغْسِلُوا رُؤُسَكُمْ. Il dit وَمْسَحُوا رُؤُسَكُمْ. Quatrièmement, الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. De laver les pieds jusqu'aux chevilles. La preuve de ces quatre conditions, de ces quatre obligations, de ces quatre piliers, li qawlihi ta'ala ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. La preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Ma'idah, dans sourate La Table Servie. Ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour aller prier, lavez vos visages et lavez vos mains jusqu'aux coudes. essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Wa arjulakum ila al-ka'bayn. Qu'est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? Wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour aller prier, lavez vos visages. D'accord? Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala dit: lavez vos visages. Et vos mains jusqu'aux coudes. Donc, et lavez vos mains jusqu'aux coudes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: wamsahu bi ru'usikum. Puis, essuyez vos têtes. Et ensuite, il a dit: wa arjulakum ila al-ka'bayn. Et vos pieds jusqu'aux chevilles. Mais vos pieds jusqu'aux chevilles, il faut les essuyer ou il faut les laver? Les savants disent: et essuyez vos chevilles, il revient à la parole d'Allah où il dit avant: farsilu wujuhakum. C'est-à-dire, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. C'est compris? Amma kawnul madmada wal istinshaq من الوجه فتجبان فلأن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه وقد ثبت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في كل وضوء ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو المضمض والاستنشاق. Maintenant, le cheikh dit: la preuve que, donc, lorsqu'il a cité en premier, la première condition, c'est de laver le visage, et il a dit, وَمِنْهُ الْمَضْمَضَ وَالْإِسْتِنْشَاقُ. Le cheikh a dit, et parmi le lavage du visage, il y a le fait de laver la bouche, et al-istinshaq, et d'introduire l'eau dans son nez. Il dit, le fait d'introduire l'eau dans la bouche et dans le nez, et que cela fait partie du lavage du visage, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans le Coran de laver le visage. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les descriptions de ses ablutions qui ont été faites par ses compagnons, à chaque fois il a été fait allusion, ou à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-madmada et a fait al-istinshaq. Et les savants disent que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses ablutions, a lavé sa bouche et a lavé son nez, cela prouve que le lavage de la bouche et du nez font partie du lavage du visage qui nous a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset. C'est compris? فَأَفَادَ ذَلِكَ أَنَّ غُسْلَ الْوَجْهِ الْمَأْمُورُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ هُوَ مَعَ الْمَضْمَضَ وَالِاسْتِنْشَاقِ. Et cela prouve que le lavage du visage qui a été ordonné dans le Coran, il comprend al-madmada, de laver sa bouche, et al-istinshaq, d'introduire de l'eau dans son lit. وقد ورد الأمر بهما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. Et il a été aussi rapporté l'obligation de ces deux choses, c'est-à-dire de laver la bouche et le nez. Il a été rapporté l'obligation de ces deux choses dans la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il dit: lorsque l'un d'entre vous fait ses ablutions, qu'il mette ou qu'il introduise de l'eau dans son nez, puis qu'il la ressorte. Thumma liyastanthir. Al-hadith sahih rawahu Ibn Majah wa Abu Dawud. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah et Abu Dawud. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam: wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima. Et aussi la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a ordonné un de ses compagnons, il lui a dit: et accentue dans l'istinshaq, wa baligh fil istinshaq, accentue dans le fait d'introduire l'eau dans ton nez, illa an takuna sa'ima, sauf lorsque tu jeûnes, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Pourquoi? De peur que l'eau ne traverse la gorge. Hadithun sahih rawahu Abu Daoud. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض. Et aussi un autre hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il ordonne à un de ses compagnons, il lui dit: lorsque tu fais tes ablutions, فمضمض, lave ta bouche. Et là c'est un ordre du prophète صلى الله عليه وسلم: فمضمض, lave ta bouche. Hadith rapporté dans hadith authentique rapporté par Abu Dawud également. وأما وجوب استيعاب الرأس بالمسح فلأن الأمر بالمسح في القرآن مجمل فيرجع في بيانه إلى السنة، وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب مسح رأسه، وفي هذا دليل على وجوب تكميل مسح الرأس. Et concernant l'obligation de d'essuyer ou d'englober la totalité de la tête lors de l'essuyage, la preuve est que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « essuyez vos têtes ». Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas précisé. Donc lorsqu'il dit « essuyez vos têtes », c'est-à-dire « essuyez la totalité de votre tête » et non pas une partie. Et la preuve aussi que c'est la totalité de la tête qui doit être essuyée et non une partie, c'est ce qui a été rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il essuyait sa tête, il essuyait la totalité de sa tête. فَإِنْ قِيلَ قَدْ ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ. Ensuite le cheikh pose une question. Il dit, et si on vous dit qu'il a été rapporté dans le hadith de l'Mughira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur un nasiya, masaha bi nasiyatihi. Un nasiya, c'est le devant de la tête, c'est le devant des cheveux, le devant de la tête. D'accord ? Il a été rapporté dans le hadith de l'Mughira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur le devant de sa tête et sur al-imama, et sur son turban. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, avait mis un turban et le devant de sa tête était libre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ses ablutions, a essuyé le devant, puis a essuyé l'imama, puis a essuyé le turban. Et si certains vous disent, le cheikh dit, et si on vous dit, mais dans le hadith de Mourir ibn Shu'ba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a seulement essuyé le devant de sa tête. Il n'a pas essuyé toute sa tête. Il a seulement essuyé le devant. Et la réponse, فالجواب إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على العمامة. La réponse est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté d'essuyer sur le devant de sa tête car il a complété par la suite sur la imama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur le devant de sa tête, mais après il a complété l'essuyage sur le dessus de sa imama. Il ne s'est pas contenté d'essuyer uniquement le devant de sa tête. وليس فيه دليل على جواز الاقتصار على مسح الناصية أو بعد الرأس من غير تكميل على العمامة. Il n'y a dans ce hadith aucune preuve qu'il est autorisé d'essuyer le devant sans continuer sur la imama. Vous avez saisi ? فالحاصل أنه يجب استيعاب الرأس بالمسح والماسح إن شاء مسح على الرأس فقط أو على العمامة فقط أو على الرأس والعمامة فالكل صحيح ثابت. Donc, en bref, il est obligatoire, lorsqu'on essuie sa tête, d'essuyer la totalité de sa tête. Et celui qui essuie a le choix entre trois choses. Si il a le choix entre essuyer sa tête, la totalité de sa tête. Il a le choix également, s'il porte un turban, d'essuyer sur la totalité de son turban, sans essuyer sur un nasiya, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Une personne qui porte un turban, il lui est autorisé d'essuyer uniquement sur l'imama, uniquement sur son turban. Ou bien d'essuyer, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la nasiya, sur le devant de la tête, et ensuite de compléter sur le turban. Ces trois façons d'essuyage ont été rapportées dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez saisi ? Il y a une parole des savants sur Saint-Challah, on citera ça plus tard. Parce que les savants disaient l'imama qu'il est autorisé sur. Des savants disent qu'il est autorisé d'essuyer aussi sur la chéchia, etc. D'autres savants disent non, uniquement sur le turban, car le turban est difficile à enlever. Donc pour le turban, il est difficile à l'enlever et de le remettre, et donc pour faciliter, il est autorisé d'essuyer dessus. Mais Inch'Allah, la semaine prochaine, j'essaierai de rassembler les paroles des savants à ce sujet, وأما كون الأذنين من الرأس فيجب مسحهما فلقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. Et quant à l'obligation d'essuyer également les oreilles et qu'elles font partie de la tête, c'est la preuve et le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. Les oreilles font partie de la tête. Hadith authentique rapporté par Ibn Majah. سابعا تخليل اللحية لحديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. الحديث صحيح رواه أبو داود والبيهقي. Ensuite, septièmement, le cheikh dit, parmi les obligations des ablutions, il y a le fait de frictionner la barbe. La preuve est le hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ses ablutions, lorsqu'il faisait ses ablutions, prenait une poignée d'eau et la faisait rentrer au niveau de son menton. Et il frictionnait sa barbe. Et ensuite, il frictionnait sa barbe. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par le bas. Il prenait une poignée d'eau, mettait la poignée d'eau au niveau de son menton, et ensuite frictionnait sa barbe. Et ensuite, il a dit Hakada amarani Rabbi Azza wa Jal. C'est ainsi que m'a ordonné mon Seigneur Azza wa Jal. Et donc, l'avis du shir est que le fait de frictionner la barbe est une obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des savants, jumhur al-ulama ala istihbab, la plupart des savants disent que de frictionner la barbe pendant les ablutions est préférable et non obligatoire. Et c'est l'avis de et certains savants différencient entre la barbe épaisse et la barbe fine. Et ils définissent la barbe épaisse, c'est-à-dire la barbe qui ne laisse pas apparaître la peau. Et la barbe qui laisse apparaître la peau est une barbe pour eux fine, une petite et une grande barbe. Et les savants ont dit, lorsque la barbe est épaisse, de telle sorte qu'elle ne laisse pas apparaître la peau, la couleur de la peau, il n'est pas obligatoire de la frictionner, il est préférable. Et lorsqu'elle laisse apparaître la peau, il est obligatoire de la frictionner. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. C'est également l'avis de Cheikh Ibn Baz, l'avis de Cheikh Al-Fawzan également, et l'avis de Cheikh Al-Abbad. Quant à Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, il considère que de frictionner sa barbe est une obligation. Et Cheikh Ibn Uthaymin dit que à quel moment explique le moment dans lequel il faut frictionner la barbe. Est-ce que c'est à la fin des ablutions ou est-ce que c'est au moment où la personne lave son visage? Cheikh Ibn Uthaymin dit que la barbe doit être frictionnée au moment du lavage du visage. D'accord? Et d'autres savants, il y a une différence, les savants ont différencié entre frictionner la barbe pendant les ablutions et frictionner la barbe pendant le ghusl. Ils disent que pendant les ablutions, lorsque la barbe est épaisse, il est obligatoire. Lorsqu'elle n'est pas épaisse, il est préférable. Mais dans tous les cas, dans les grandes ablutions, de frictionner la barbe est une obligation. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin et de Cheikh Al-Fawzan. Ils disent إذا كانت اللحية خفيفة أي يرى الجلد فيجب إيصال الماء إلى البشرة وإن كانت خفيفة أي لا ترى البشرة فيكفي غسل ظاهر اللحية أما تخليل اللحية أي غسل باطنها فمستحب. ثامنا تخليل أصابع اليدين والرجلين. Donc huitièmement, parmi les obligations des ablutions, il y a le fait de laver entre les doigts et les orteils. De laver entre les doigts et les orteils. La preuve, les qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, asbiril wudu, wa khallil bayn al asabi' wa balir fil istinshaq, illa an takuna sa'ima. Hadithun sahih, kama sabaq. Donc la preuve est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit à un de ses compagnons, asbiril wudu. Et as-sabr, ça signifie de laver au minimum une fois. Isbar al-wudu, c'est le fait d'accomplir al-wudu, et au minimum, le minimum de l'isbar, c'est de laver une fois. Donc le professeur sallam lui a dit, asbir al-wudu, accomplis tes ablutions. Wa khallil bayn al-asabi' et lave entre les doigts. Et en arabe, l'asabi' ici, ils veulent dire les doigts et les orteils. وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا تَكُونَ صَائِمًا. Et accentue dans l'istinshaq, dans le fait d'introduire l'eau dans le nez, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Donc ça, c'était les obligations des ablutions. Ensuite, le shir passe au sunan de l'eau. Sunanu, les choses préférables et conseillées. Sunanu, awwalan as-siwak. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. حديث صحيح رواه مسلم. La première sunnah parmi les sunan de l'wudu, il y a as-siwak. La preuve est le hadith d'Abu Huraira رضي الله عنه qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'était une contrainte pour ma communauté, je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak avant chaque ablution. Je leur aurais ordonné d'utiliser le siwak pendant les ablutions. Et les savants disent que le siwak pendant les ablutions, il s'utilise pendant al-madmada. D'accord ? Au niveau du lavage de la bouche. ثانيا غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء لما ثبت عن عثمان رضي الله عنه في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل كفيه ثلاثا. Ensuite, parmi les choses préférables, parmi les choses recommandées et conseillées dans les ablutions, il y a de laver trois fois les mains au début des ablutions. Donc le fait de laver trois fois les mains au début des ablutions, c'est une sunna. Ça fait partie des sunnas de l'eau. Ce n'est pas une obligation dans les ablutions. Ce qui est obligé, c'est de laver les mains jusqu'au coude, comme on a vu. Mais de laver les mains trois fois au début des ablutions, ce n'est pas une obligation, mais c'est préférable et recommandé. On sait que la sunna du prophète, c'est ça, quand on sort de l'had, on lave les mains trois fois. Mm-hmm. On peut rentrer les mains Est-ce que ça c'est pour pas salir l'eau? Parce que le Prophète il a dit la yadri ahadukum ayna batat yaduhu. Le Prophète a dit lorsque l'un de vous se réveille et qu'il veuille faire ses ablutions, qu'il lave trois fois ses mains. Il a dit fala yadri ahadukum ayna batat yaduhu. Pourquoi? Car l'un d'entre vous ne sait pas où sa main a dormi. D'accord? Et ça c'est propre. Ça c'est propre pour celui qui vient de se réveiller. D'accord? Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui vient de se réveiller, qui veut faire ses ablutions, qu'il lave ses mains trois fois. Pas celui qui sort des toilettes. Allah alam, j'ai pas le souvenir que c'est en sortant des toilettes. Allah alam. Non, j'ai pas le souvenir. Pourquoi? Parce qu'après le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne sait pas où sa main a passé la nuit. Car l'un d'entre vous ne sait pas où sa main a passé la nuit. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de laver trois fois les mains pour ne pas rendre impure l'eau, pour ne pas la salir. Non. Donc les trois fois là, après le réveil, c'est en dehors des trois fois qui sont sunna ou. Tu peux le faire, ouais. Allahu alam. Allahu alam. Je sais pas. Allahu alam. ثالثا الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثا بغرفة. عفوا, j'ai pas cité le hadith sur laver trois fois les mains avant. Car il a été rapporté, comme cela a été rapporté dans le hadith de Uthman qu'on a vu au début, dans le hadith de Uthman, il a été rapporté, lorsqu'il a décrit les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a lavé les mains trois fois. Le hadith qu'on a vu auparavant. Troisièmement, ثالثاً الجمع بين المضمضة والاستنشاق ثلاثاً بغرفة لما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في تعليمه لوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثة. Ensuite, parmi les sunan de l'wudu, il y a le fait de rassembler المضمضة et الاستنشاق avec une seule poignée et trois fois de suite. Donc la sunna, c'est de prendre une poignée et de cette poignée là de la diviser en deux, une partie pour al-madmada, une partie pour laver la bouche et l'autre partie pour faire l'istinsha, pour laver le nez. Ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans aucun hadith il n'a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une poignée d'eau pour la bouche, puis une poignée d'eau pour le nez. Cela n'a pas été apporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Néanmoins, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit Al-madmada wa l'istinshaq takunani bi kaffin wahid. Donc ça c'est, Cheikh Ibn Uthaymeen dit Al-madmada et al-istinshaq se font avec une seule poignée d'eau. D'accord ? Ici le Cheikh Ibn Uthaymeen dit ça pour montrer que c'est ce qui est connu de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il dit إلا أن لا يستطيع الإنسان فإن بعض الناس لا يستطيع أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بكف واحد فتجده يفرد المضمضة بكف والاستنشاق بكف آخر ولا حرج ولا حرج في ذلك إن شاء الله. Et ensuite Cheikh Ibn Uthaymeen dit sauf pour celui qui éprouve une difficulté à faire cela, à faire al-madmada et l'istinshaq avec une seule poignée. Dans ce cas, il est autorisé de faire, de laver sa bouche avec une poignée et de laver son nez avec une autre poignée. Cheikh Ibn Uthaymeen dit qu'il n'y a pas de mal à cela. C'est aussi la parole de Cheikh Al-Abbad, Hafidahullah, lui aussi, et de cet avis, qu'il est autorisé pour celui qui ne peut pas, pour celui qui n'y arrive pas, qui n'arrive pas à séparer sa poignée en deux, une moitié pour la bouche et une moitié pour le nez, celui qui n'y arrive pas, celui qui trouve cela difficile, il lui est autorisé de prendre une poignée, se laver la bouche, et prendre une autre poignée et se laver le nez. رابعا المبالغة فيهما لغير الصائم لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Quatrièmement, parmi les sunan, parmi les choses préférables et recommandées dans les ablutions, il y a le fait d'accentuer dans l'istinshaq, d'accentuer dans le fait d'introduire l'eau dans le nez. Pourquoi ? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et accentue dans l'istinshaq, sauf lorsque tu es en état de jeûne. Autrement dit, lorsque tu n'es pas en état de jeûne, accentue dans l'istinshaq. Donc il est autorisé, recommandé, préférable d'accentuer, d'inspirer l'eau qu'on introduit dans le nez, d'essayer d'inspirer au maximum, sans bien sûr que cela ne fasse du mal à la personne. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la darara wa la darar. Il n'y a pas de mal, ne faites pas de mal et ne faites pas de mal à autrui et n'en faites pas à vous-même. خامساً تقديم اليمنى على اليسرى لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Cinquièmement, parmi les choses préférables des ablutions est de commencer par la droite avant la gauche. Commencer par le côté droit avant le côté gauche. Commencer par le membre droit avant le membre gauche. La preuve est le hadith de Aïcha radiallahu anha qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la droite, aimait le côté droit lorsqu'il se chaussait. C'est-à-dire lorsqu'il se chaussait, il commençait à chausser son pied droit. Wa tarajjulihi, lorsqu'il se peignait, il commençait à peigner son côté droit, le côté droit de sa tête, ensuite le côté gauche. وَتَرَجُّلِهِ وَتَرُورِهِ et dans sa purification. Et la purification, les savants disent qu'elle englobe al-wudu et al-rusul. C'est pour ça que dans le wudu, le prophète sallam commençait par la droite, ensuite par les membres droits, ensuite les membres gauches, et également pour le rusul. Les savants ont déduit, entre autres, que dans le rusul, la personne commence à laver la partie droite de son corps, ensuite la partie gauche. Quelle est la preuve? Ce hadith-là de Aïcha, radiallahu anha, qui dit que le prophète sallam aimait la droite dans le, lorsqu'il se chaussait, lorsqu'il se peignait, et lorsqu'il se lavait. Autrement dit, parmi le lavage, il y a al-rusul. وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ et dans toutes ces situations. Et dans toutes ces situations. Et les savants ont dit, il ne faut pas comprendre dans toutes ces situations, il ne faut pas le prendre dans sa globalité. Non, pourquoi? Car il y a des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a ordonné de rentrer, par exemple, dans les toilettes avec le pied gauche. D'accord? Les choses où le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait par la droite, c'était comme le fait lorsqu'il mangeait, lorsqu'il buvait, lorsqu'il donnait, lorsqu'il prenait, lorsqu'il rentrait à la mosquée, avec le pied droit, lorsqu'il entrait chez lui, il entrait également avec le pied droit. Donc la parole de Aïcha radhiyallahu anha dans toutes ces situations, il ne faut pas le prendre dans sa globalité, parce qu'il y a certains cas où la gauche est préférable. D'accord? Comme le fait d'entrer aux toilettes. La personne qui rentre aux toilettes entre avec le pied gauche. ولما في حديث عثمان في حكايته لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل اليمنى ثم اليسرى. Et aussi parmi les preuves que pendant les ablutions il est préférable de commencer par la droite avant la gauche, il y a la description des ablutions de Uthman radiallahu anhu, qui a commencé par la droite, ensuite par la gauche. Il a commencé par laver sa main droite, son bras droit jusqu'au coude, ensuite son bras gauche. Et pareil pour les pieds, il a commencé par son pied gauche, par son pied droit, à Fouane, puis son pied gauche. Non. Ça fait, on comprend là que si une personne a venu à commencer par la gauche, c'est pas interdit. Quoi. C'est pas une obligation, c'est préférable. Non. Et concernant un siwak, parce que siwak, ça fait partie aussi de la purification. Et il y a trois avis sur le siwak. Une personne qui utilise le siwak, est-ce qu'elle doit l'utiliser avec sa main droite ou avec sa main gauche? Parce que le siwak, c'est pour purifier la bouche. D'accord? Donc c'est pour enlever une saleté. Et enlever une saleté, on l'enlève avec la main droite ou avec la main gauche? Avec la main gauche. Mais il y a un autre hadith du prophète sallam qui dit, en parlant du siwak, mataharatun lil fan, mardatun lil rab. C'est une purification pour la bouche, mais c'est une satisfaction pour Allah. Donc Allah est satisfait. Donc autrement dit, le fait de faire le siwak, c'est une adoration. Et lorsque tu fais le siwak, Allah en est satisfait. Donc c'est un bien. Et il y a trois avis à ce sujet. Certains savants disent que tu dois le faire avec la main gauche. D'accord? Pourquoi? Car tu purifies, tu enlèves une saleté, donc tu le fais avec la main gauche. D'autres savants disent non, siwak, c'est une adoration, donc tu l'as fait avec la main droite. Tu le fais avec la main droite. Et d'autres savants précisent, disent, et c'est l'avis le plus juste, Inch'Allah, disent, lorsque tu utilises le siwak pour te purifier, fais-le avec ta main gauche. Et lorsque tu utilises le siwak pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour appliquer sa sunna lorsqu'il ordonne ou lorsqu'il conseille d'utiliser le siwak pendant les ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseille d'utiliser le siwak avant la prière, d'accord? Même si ta bouche est propre, la sunna c'est d'utiliser le siwak avant chaque prière, d'accord? Même si ta bouche est propre. Et savants disent, si tu utilises le siwak pour enlever effectivement une saleté de ta bouche, pour purifier ta bouche, là utilise ta main gauche. Mais lorsque tu utilises le siwak pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que ta bouche n'est pas sale, elle est propre, dans ce cas c'est un acte d'adoration que tu fais, et fais-le avec ta main droite. D'accord? Et c'est la vie le plus juste, Inch'Allah. C'est de dire d'utiliser ce mot pendant le mois de Ramadan. Non. En même temps. C'est-à-dire? C'est-à-dire, avec la main droite, tu fais le mois de l'Istinchar, et de la main gauche, tu. Tu fais l'Istinchar, non. C'est pour ça que les savants disent que l'Istinchar, le fait de rentrer l'eau dans le nez, de faire avec la main droite. D'accord? Tu prends de l'eau pure et tu l'introduis, tu l'inspires dans tes narines. Et à l'istinthar, le fait de ressortir l'eau avec les saletés qu'elle contient, à l'istinthar se fait avec la main gauche. Non, barakallahu fik. Sadisan, ad-dalk. Les hadiths d'Abdillah ibn Zayd, anna al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, outiya bithuluthay muddin. فتوضأ فجعل يدلك ذراعي حديث صحيح رواه ابن خزيمة. Sixièmement, il y a parmi les sunan, parmi les choses recommandées et préférables dans les ablutions, ad-dalk. Qui connaît la signification d'ad-dalk? Qui connaît la signification d'ad-dalk? Ad-dalk, comme le dit, comme le disent les savants, c'est le fait de passer l'eau, la main sur le membre avec de l'eau. C'est ça le delk. D'accord? Al-rousl, le lavage, c'est que l'eau soit sur ton membre, de verser de l'eau sur ton membre. D'accord? Ça c'est le lavage. Et ad-delk, c'est de passer ta main sur ce membre, d'essuyer le membre avec l'eau. D'accord? C'est ça, ad-dalk. Et c'est par ça, ça fait partie des sunan de al-wudu. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Zayd qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, thuluthay mud, les deux tiers d'un mud. Qui connaît le mud? Al-mud, c'est la quantité qui équivaut à le fait de rassembler les deux mains et de prendre la chose. Par exemple, un moud de farine, c'est de coller ses deux mains et de coller ses deux mains et de prendre de la farine avec cette grande poignée. Ça, c'est un moud. D'accord? Et on a apporté au prophète alayhi salatu wasalam thuluthay moud, les deux tiers d'un moud d'eau. C'est-à-dire, si vous prenez dans un seau d'eau, vous prenez vos mains, vous les collez et vous prenez de l'eau, d'accord? L'eau qu'il y aura dans votre poignet, c'est un moud. Et on a apporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam les deux tiers de cette quantité pour faire ses ablutions. Et les savants disent, هذا أقل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ça c'est la plus petite quantité d'eau qui a été rapportée dans les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فتوضى, donc le professeur Asselam a fait ses ablutions, فجعل يدلك ذراعي, et il essuyait, il passait sa main sur ses bras. Sur ses bras. D'accord? Donc là on voit que parmi les sunnahs de l'ourdeau des ablutions, il y a le fait d'essuyer avec sa main, de passer sa main sur le membre qu'on lave. T'as pas compris? Le fait de laver, par exemple, tu veux laver ton bras. Tu prends de l'eau, d'accord? Tu le verses sur ton bras. Est-ce que ça suffit ou pas? Ça suffit, d'accord? Donc ça, c'est al-rousl. Mais parmi les sunan de l'ourdeau, parmi les choses qui sont recommandées, c'est avec le lavage d'essuyer, de passer ta main sur ton membre. Ad-dalk, ça s'appelle. C'est d'essuyer, de passer ta main avec l'eau que tu mets, de la passer partout dans ton membre. Je prends de l'eau, je la mets sur ma main et je... Voilà, tu prends de l'eau avec ta main gauche, tu la mets sur quand tu laves ton bras droit, tu prends de l'eau avec ta main gauche, tu la verses sur ton bras droit, d'accord, de telle sorte que ton bras soit recouvert d'eau, et ensuite tu essuies, tu passes ta main au-dessus de ton bras, partout dans ton bras. En fait, on lui a ramené la partie. Non, mais le professeur Sam, on lui a ramené tout le taïmoud, mais dans un récipient. On lui a pas ramené avec la main comme ça. D'accord. On l'a mis la quantité, on l'a apporté, la quantité du tiers d'un moud. Et al-moud, donc les savants ont dit que c'est, comme je vous ai dit, c'est le fait de rassembler ses deux mains et de prendre la chose, la quantité qu'il y aura dans la main, dans les deux mains collées, et al-moud, en arabe. Et Cheikh l'Albani, rahimahullah, dit que concernant al-wudu, concernant l'eau, al-mud, le mud d'eau, c'est un mud et demi. Pourquoi ? Car le mud, qui est connu en islam, il est, comment dire, il est uniquement en rapport avec la matière solide, et non la matière liquide. Car Cheikh l'Albani, rahimahullah, a dit de prendre une poignée de farine, une poignée de lentilles par exemple, une poignée de riz, c'est pas comme de prendre une poignée d'eau. D'accord ? Cheikh rahimahullah a dit, pour qu'il y ait un moud d'eau, il faut prendre une et demie, pour être sûr qu'il y a un moud. Et qui connaît la quantité de as-sa'? Non. Non, pas 5. 4. As-sa' en arabe, c'est 4 amdad. 4 amdad. Et donc, un sa', ça fait combien de. Combien de mètres de mout 4. Ça fait Allah alam. Je connais en grammes, je ne connais pas en litres. En grammes, Cheikh al-Fawzan, rahimahullah, dit, ainsi que Hayat Kibar al-Ulama, disent que al-mud, plutôt as-sa', afwan, correspond à 3 kilos. Et ça, c'est une fatwa récente de Hayat Kibar al-Ulama. Et ça, c'est une fatwa qui va vous servir, comme le ramadan approche, pour Zakat al-Fitr. As-sa', donc le minimum dans Zakat al-Fitr, c'est de sortir sa', de sortir un sa' de ce que mangent les gens du pays. D'accord ? Et as-sa', Hayat Kibar al-Ulama a étudié en fonction de ce qui était connu au temps du professeur Asselam, on demandait aux gens, etc. On fait une recherche, on fait une enquête, et en sont arrivés à l'avis final que as-sa' correspond à 3 kilos. As-sa' correspond à 3 kilos, comme le disent les savants d'Arabie, entre autres Hayat Kibar al-Ulama. Donc entre autres, al-mud, qui correspond à 4 as-sa', al-mud qui correspond au quart du sa', d'accord, al-mud correspond à 750 grammes. 750 grammes fois 4 correspond à 3 kilos. Et dans ce hadith, les savants utilisent beaucoup ce hadith, rahimahumullah, pour montrer que le musulman se doit d'être économe dans l'utilisation de l'eau. D'accord ? Il se doit d'être économe dans l'utilisation de l'eau qu'il prend pour faire ses ablutions. Et que le professeur sallam, si le professeur sallam a réussi à faire ses ablutions avec les deux tiers d'un moud, nous aussi on peut le faire. Et le Nabi sallam, il faisait son ghusl avec un sa', avec 3 litres d'eau. Le professeur sallam faisait son ghusl avec un sa', avec 3 litres. Et si vous voyez les statistiques des autorités françaises ou autres, une personne qui prend une douche, ils estiment le nombre de litres à 70 litres. Une personne qui prend une douche normale. Une personne qui est sous sa douche pendant 5 ou 10 minutes, eh ben, si vous comptez le nombre de litres qu'elle a utilisé, c'est 70 litres. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam utilisait un sa', 3 litres. Et donc, les musulmans conseillent, et c'est une obligation, d'être économe dans l'utilisation qu'on fait de l'eau pour les ablutions ou autres. Et al-israf est interdit en islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » Et mangez et buvez, mais ne gaspillez pas, car il déteste les gaspilleurs. Allah subhanahu wa ta'ala déteste les gaspilleurs. Et les savants disent que de gaspiller, une personne qui gaspille, que ce soit de la nourriture ou de l'eau, il a fait une chose interdite dans l'islam. Haram, la yajouz. Et il est obligatoire à chaque musulman de faire attention à la quantité d'eau qu'il utilise, surtout lorsqu'il fait ses ablutions. Même s'il y a problème de la mer. Wana'ani aussi, un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si l'un d'entre vous fait ses ablutions au pied d'une rivière, ou au pied d'un fleuve. Là. Même si, les savants disent, même si tu fais tes ablutions au pied d'un fleuve, tu te dois d'être économe dans l'utilisation de ton eau. C'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau, etc., que tu peux te permettre d'abuser. Non. Le gaspillage, il est valable que ce soit, que la chose soit présente ou non. Que l'eau soit en grande quantité ou en petite quantité, le gaspillage, dans tous les cas, est interdit. Tu ne dois pas utiliser plus que ce qui t'est nécessaire. سابعاً تثليث الغسل لحديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً ثلاثاً وقد صح أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين حديث حسن حسن صحيح رواه أبو داود والبخاري. Septièmement, le fait de laver trois fois. Il est préférable et recommandé de laver chaque membre trois fois. La preuve est le hadith de Uthman, dans la description des ablutions du prophète, il a lavé ses membres à chaque fois, trois fois, trois fois. Il a été aussi rapporté dans d'autres hadiths que le prophète a fait ses ablutions et a lavé ses membres chacun une fois. Dans d'autres hadiths, le prophète a lavé ses membres chacun deux fois. D'accord ? Donc les trois façons ont été rapportées dans la sunna du prophète. Il est autorisé à une personne de laver ses membres pendant ses ablutions, chaque membre une fois, ou bien chaque membre deux fois, ou bien chaque membre trois fois. Le minimum est une fois. ويستحب تكرار مسح الرأس أحيانا لما صح عن عثمان أنه توضأ فمسح رأسه ثلاثة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ هكذا. حديث حسن صحيح رواه أبو داود. Et de même qu'il est préférable de temps en temps d'essuyer sa tête plus d'une fois. Car cela a été rapporté par Uthman radiallahu anhu. Uthman radiallahu anhu a fait ses ablutions et a essuyé sa tête trois fois. Et ensuite a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses ablutions ainsi. J'ai vu le professeur Asselin faire ses ablutions. Quand tu pars de la tête, c'est-à-dire tu emmènes et tu reviens ou... Ouais, du début de la tête jusqu'à la fin de revenir. C'est une obligation, ça. Non. L'aller-retour. L'aller-retour. Les savants disent l'aller et le retour pour l'essuyage de la tête. Thaminan al-tatrib. Liannahu al-ghalib fi wudu'i Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Kama hakahu. من حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم لكنه قد صح عن المقدام ابن معدي كرب أنه. Donc là, pour ceux qui ont le livre, c'est معدي كرب, c'est pas معدي يكرب, c'est معدي كرب. D'accord, le ya, il faut l'enlever. عن المقدام ابن معدي كرب أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثة وغسل وجهه ثلاثة ثم غسل ذراعيه ثلاثة ثم تمضمض واستنثر ثلاثة ثم مسح برأسه وأذنيه الحليب. Donc ici le cheikh dit, parmi les choses préférables et recommandées, c'est également l'ordre. Le fait de laver les membres des ablutions dans l'ordre. Car c'est ce qui a été le plus rapporté dans la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi est-ce que le cheikh ici dit que c'est préférable et non obligatoire? Parce que certains savants disent que l'ordre est obligatoire. L'ordre, c'est comme al-muwala. Les savants disent, certains savants disent que al-muwala, c'est comme al-tatrib. Al-tartib, al-muwala. Tatrib, c'est autre chose. Tatrib, c'est-à-dire l'ordre, certains savants disent que c'est obligatoire. Pourquoi? Car c'est ce qui a été rapporté dans la description des ablutions du professeur Hassel. D'accord? Ici, le cheikh dit que c'est préférable. Pourquoi? Car il était rapporté, selon Al-Miqdam ibn Ma'di Yakrib, ibn Ma'di Karib, qui dit qu'il a apporté au professeur Hassel de l'eau afin qu'il fasse ses ablutions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses mains 3 fois, a lavé son visage 3 fois, puis a lavé ses bras 3 fois, puis a fait al-madmada et al-istinta, puis a entré de l'eau dans sa bouche et l'a ressorti de son nez. D'accord ? Donc là, on voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-madmada et l'istinta après quoi ? Après avoir lavé ses bras. Alors que ce qui est connu des ablutions du professeur sallam, c'est qu'il le fait après avoir lavé ses mains. Et thumma masaha bi ra'sihi wa udhunayhi. Puis ensuite, il a essuyé sur sa tête et sur ses oreilles jusqu'à la fin du hadith. Donc le cheikh dit que à partir du moment où le professeur sallam a fait ainsi, a changé l'ordre, c'est qu'il est autorisé de temps en temps de ne pas suivre l'ordre, et surtout que l'ordre, le fait de suivre l'ordre des membres, n'est pas obligatoire mais préférable. Mais comme je vous dis, beaucoup de savants disent que at-tartib est obligatoire. Ad-du'a. Neuvièmement, ad-du'a ou ba'da. لقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد يتوضا فيسبغ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. حديث صحيح رواه مسلم. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Et parmi les choses conseillées et recommandées, c'est l'invocation après les ablutions. La preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: si l'un d'entre vous fait ses ablutions et les fait de la meilleure des façons, puis dit à la fin de ses ablutions: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, les 9 portes du paradis lui seront ouvertes et il rentrera par celle qu'il désire. Il rentrera par celle qu'il désire. Et tu dis quoi ? Les 8. Les 8 portes du paradis lui seront ouvertes et il entrera par celle qu'il désire. Et At-Tirmidhi a rajouté dans la dua: Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Donc la traduction c'est: oh Allah, fais que je fasse partie de ceux qui se repentent et que je fasse partie de ceux qui se purifient. Wa an Abi Sa'id anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala: man tawadda'a fa qala subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk kutiba fi riqqin ay fi waraqah ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة. حديث صحيح كما رواه الحاكم. Et parmi une autre invocation qui est légiférée à dire après les ablutions, comme cela a été rapporté dans le hadith de Abi Saïd, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui fait ses ablutions puis dit سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Cette dua ressemble à une autre. Laquelle? Kafarat al-Majd. C'est ce qu'on dit après une assemblée ou un cours ou une réunion. Kutiba fi riqqin. Le professeur Hassan dit: cette personne sera écrite dans une feuille. Puis, cette feuille sera scellée. Et le sceau ne sera pas brisé jusqu'au jour du jugement. Et le sceau de cette feuille ne sera pas brisé jusqu'au jour du jugement. Hadith authentique rapporté par Al-Hakim. Et le cheikh dit en annotation: وَلَمْ يَصِحَّ فِي الدُّعَاءِ أَثْنَاءَ الْوُضُوءِ شَيْءٍ. Et aucune invocation pendant les ablutions n'est légiférée. Il n'y a aucun hadith qui stipule, aucun hadith authentique qui stipule des invocations à dire pendant les ablutions. Toutes les invocations qu'on a beau vous rapporter, vous dire, vous conseiller, qui sont à dire pendant les ablutions, sachez de suite, sachez d'avance qu'elles ne sont pas légiférées. Aucune invocation n'a été rapporté dans la sunna authentique du professeur Asselin pendant les ablutions. Après les ablutions, oui. Avant, non. Pendant, oui. Pendant, non. Également. On اكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.